Et bonsoir, nous on s'appelle le Carré Lorrain. Que tu deviens sans pitié, c'est pas pour dire non plus que chaque homme est comme ça, mais qu'un jour à cause du système, tu le deviendras. Ya ya, ya ya, ya. On adore le champagne. Oh. Oh, ça, c'est toujours une chanson qu'on n'arrive pas à présenter parce que elle parle d'un gars, mais faut pas dire la fin. Sinon, c'est pas drôle. Et là, en plus, comme il y a un bon son, on entendra peut-être les paroles. Alors, vous allez peut-être comprendre de quoi ça parle.